Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes déjà souhaité un joyeux Noël. Ma prière est que la Noël 2018, quand nous allons nous trouver, qu'au niveau de la chorale des femmes, il y ait encore beaucoup plus. Vous voyez, malgré leur nombre, elles ont chanté de façon spectaculaire. Amen. Ok. Donc, à vos marques. Je n'ai rien à dire et nous attendrons. Et s'il y a du nouveau, à la Noël 2018, je vais dire, voilà, voyez, Dieu a encore fait des merveilles. Et puis, on va encore dire aux uns et aux autres de se préparer. Je vous ai toujours dit que ceux qui sont derrière la rivière, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez être surpris. C'est encore une grâce ce matin. Vous voyez, Nancy a fait son programme de telle sorte qu'elle a permis que ceux même qui n'avaient probablement pas lu ce que j'ai proposé hier se trouvent dans, disons, à jour. Si vous vous rappelez, hier j'avais demandé de continuer la lecture dans le premier chapitre de Luc et le chapitre 2 ajouté. Et ensuite, c'était le chapitre 2 de Matthieu. Et vous voyez, à travers toute la lecture, nous sommes revenus là-dessus. Et je crois que c'est souvent nécessaire. Comme elle a dit, sans la parole, nous allons perdre beaucoup de choses. Mais à cause de cette parole qui est là, écrite, que nous pouvons consulter, que nous pouvons lire, de cette parole, nous pouvons encore avoir l'inspiration, nous pouvons comprendre tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question, si ça a été comme ça avant, aujourd'hui, pourquoi ça continue à être ainsi ? Hier, en commençant le partage, je vous ai dit que Dieu s'est toujours servi d'homme pour son dessein qu'il avait préparé. Pour accomplir son dessein, il s'est toujours servi d'homme et de femme. Et Dieu l'a si bien fait. Parce que si c'était des anges, je ne suis pas sûr que les hommes allaient pouvoir tout comprendre. Mais il a utilisé des hommes faibles, comme vous et moi, pour que dans chaque étape où il a voulu encore ramener l'homme à revenir vers lui, que des hommes et des femmes puissent être utilisés comme des instruments. Et hier, dans notre lecture, nous avons déjà vu deux personnes qui avaient été utilisées. La première personne dont nous avons parlé, c'était qui? C'était Zacharie, le sacrificateur. Et la deuxième personne, c'était Marie. Et tout au long de la lecture que je vous ai donnée, je crois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont intervenir. Et déjà, à travers la lecture que nous avons faite ce matin, nous pouvons voir toutes ces personnes-là. Et si vous vous rappelez encore du thème que j'ai partagé hier, j'ai dit quoi? Le thème, c'était l'humilité et la foi triomphante. Il faut que ces deux triomphent. Si l'humilité est là, on peut facilement écouter l'autre et puis dire, c'est possible, c'est vrai. On s'humilie malgré tout ce que nous connaissons. Nous disons oui. Et il faut maintenant saisir la chose par la foi pour demeurer jusqu'au bout. Dans le passage que nous avons lu hier, nous avons vu que Zacharie a fait preuve de manque d'humilité. Et ce manque d'humilité a conduit Zacharie à être frappé de mutisme. Parce qu'il n'a pas tenu compte de ce que l'ange a dit, malgré tout ce qui devait être quelque chose de probable lorsqu'il était dans ce lieu pour offrir le sacrifice. À cause du fait qu'il n'a pas cru en tout cela, il a été frappé de mutisme. Et Marie, qui ne s'attendait pas à avoir la visite d'un ange, reçoit et vraiment avec humilité dit « Je suis d'accord ». Et lorsque nous lisons Matthieu, le chapitre 1, une partie du chapitre 1 de Matthieu, nous voyons que Joseph était également un de ces acteurs qui était assez important. Ce matin, en lisant Matthieu 2, on n'est pas allé là, mais si vous lisez cette partie, vous voyez qu'il était quelqu'un qui était aussi concerné, parce que cette Marie, avec qui l'ange avait parlé, était sa fiancée. Et voyez que cette fiancée qui Même si elle n'a pas, notre texte ne dit pas que la fiancée a annoncé à Joseph ce qui s'est passé. Mais c'est sûr qu'au moment où lui commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose, c'est compliqué pour lui. Comment il va faire? Alors, il y a une position qu'il a prise. Il ne voulait pas la diffamer, dit notre texte. Et il voulait se retirer tranquillement, parce qu'il ne veut pas que son nom soit gâté aussi. Qu'on dise que votre fiancée est tombée en grossesse, c'est un problème. Et puis on commence par s'adresser à vous d'abord. Est-ce que vous étiez dans les règles? Voyez, pour craindre, dans la crainte, il était un acteur assez important. Et lorsque nous lisons cette partie du chapitre 1 de Matthieu, nous voyons qu'il a été averti. Et du coup, il n'a plus rien fait. Il a accepté d'aller dans la même direction. Son geste qu'il voulait entreprendre, il l'a suspendu. Et il est resté tranquille jusqu'au bout. Voyez, ce sont des acteurs qui ont accepté sans chercher à comprendre. Parce que si c'est vous et moi, nous allons nous poser beaucoup de questions. On parle de quel esprit? Et puis, comment? Et puis, on ne comprend pas. Et puis, je vais dire quoi aux autres? Voyez, il y a tellement de choses qui vont venir à nous. Mais dans Matthieu 1, Joseph n'a pas fait beaucoup d'histoires. Donc, dans notre lecture, il y a un certain nombre d'autres personnes qui seront, qui vont être utilisées comme des instruments. Dans toujours Luc 1, la partie que je vous ai demandé de lire, nous avons la femme de Zacharie, Élisabeth. Elle a été un instrument utilisé et avec humilité, elle a accepté. Quand nous lisons dans Luc 1, les versets 41 à 45, nous voyons sa réaction. Et le verset qui fait que sa réaction est assez intéressante, c'est le verset 45. Et je voudrais le lire pour vous. Luc 1, 45. Voici ce que la dame dit. C'est lorsque Marie s'est trouvée devant elle. Et elle était très contente. Et elle, c'était son cantique. C'est intitulé dans ma version. Lui, second visite de Marie à Élisabeth et cantique de Marie. Voilà ce qui est dit ici. Marie, heureuse, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse, voyez, celle qui a cru. On n'a pas posé de questions. Ce que Dieu a dit aura son accomplissement. Cette dame était réellement une dame qui aussi s'est laissée dans l'humilité être utilisée. On nous a dit qu'elle s'est cachée pendant au moins combien de temps? Combien? 6? 6 mois. À cause du fait que les gens allaient dire des choses aussi. Une vieille dame avec toute la mine, toute la peau renfrognée, à qui on ne pensait pas, voilà qu'elle sort avec un vent. Vous voyez, la grossesse est une bonne chose. Hein? Un nouveau marié, après si la femme commence, on est content, non? Hein? Content. Et puis, demander à la dame elle-même. Souvent, c'est gros devant comme ça. Elle veut que les gens sachent. Elle dit, pardon, toi aussi, il faut cacher ça. Parce que c'est normal, non? Si ça ne sort pas comme ça, est-ce qu'il y aura un enfant? Bien. Et puis, elle est dans les règles. Mais cette vieille-là, elle va dire quoi? Si elle sort et puis on la regarde, la femme de Zacharie là, la vieille là, elle a une grossesse. J'ai ri à côté. On rit à son passage. On rit, mais ça l'a gêné un peu. Mais voyez, finalement, elle a accepté. Elle n'en a pas fait un problème. Élisabeth avait compris que Dieu voulait l'utiliser. Et elle était prête à être utilisée malgré son grand âge. Quand vous lisez la suite de notre texte, nous voyons que plus tard, les voisins et les parents d'Élisabeth, au verset 58, eux aussi étaient des personnes concernées. Au verset 58, il nous est dit, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et il se réjouit avec elle. Vous voyez? Ils ont appris. Ils devaient être... Personne ne se met à se plaindre ou bien à dire « Oh, oh, non !» Dieu a fait quelque chose de miraculeux pour cette femme. Et les gens se réjouissent. C'est sûr, en lisant les versets avant, ils ont cherché à comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Non. Un enfant qui vient de la vieillesse de leurs parents ou bien de leurs voisines. Mais voilà ce que Dieu est en train de faire. Et aussi, ils finissent par comprendre. Même s'ils ne voient pas la fin des choses. Nous avons ensuite une transformation même intervient dans la vie de Zacharie. En lisant les versets 63 en descendant, au moment où on devait nommer l'enfant, voyez, puisque Zacharie était muet, il ne pouvait pas parler, les gens sont allés vers sa femme Élisabeth pour lui dire quel est le nom qu'on va lui donner. Et elle a dit Jean. On dit non, dans la famille, personne n'a porté ce nom-là. Ça, c'est bizarre quand même. On ne peut pas donner ce nom-là à l'enfant. Il a dit non. Les gens ont commencé à discuter. Et puis, Zacharie a fait des signes avec la main-là. Et puis, on lui a donné quelque chose. Il a écrit, il a dit, son nom sera Jean. Pourquoi? Il a respecté ce que l'ange lui avait dit. Si vous repartez, ce que l'ange lui a dit au moment où il était dans le sanctuaire, c'est ce que l'ange lui a dit. L'enfant là, on va le nommer Jean. Alors, il veut qu'on respecte cela. Il écrit. Et en écrivant, dès lors que les gens ont commencé, vous voyez, il a dit que il était muet quand on lui a donné. Il a écrit Jean. Et puis, les gens s'étonnaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa bouche s'est ouverte et puis les paroles sont revenues maintenant. Regardez. Et il a son cantique. Lisez son cantique. Il a changé du coup. Vous pensez que c'est facile d'être muet 9 mois? Je pose la question. Parmi nous ici, là, qui peut qu'on lui dise toute la journée là, tais-toi, ne parle pas. Bon, si c'est le pasteur, ça va être compliqué. À moins que je sois enfermé quelque part et que je ne parle à personne, mettez vos téléphones là. Qu'il éteint son téléphone, faire une journée pleine sans parler, ça va être compliqué. Mais lui là, il est resté muet pendant 9 mois. 9 mois. Réfléchissez un peu. Il a eu le temps d'être transformé. Et vous voyez, il chante, il élève son nom, il glorifie Dieu. Et il parle même de cet enfant. Qu'est-ce qu'il sera? Lumière. Il le précise bien. Cette lumière. Verset 71, quand nous lisons. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et au 79, il dit, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà ce qu'il dit de Jésus qui va diriger les gens, qui va éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a eu une transformation dans la vie de Zacharie à travers cet événement-là. Ensuite, il y a d'autres personnes. Et ce matin, je crois que Martine a dit, on a parlé beaucoup de bergers, de vergers. Les bergers sont ceux qui ont réellement été, je peux dire, ils sont parmi le groupe, parmi tous les groupes, ils sont ceux qui ont, de façon avec humilité et prompte, réagi. Les anges ont apparu dans le ciel dans la nuit pendant qu'ils étaient là. Et quand les anges les ont informés, est-ce qu'ils ont attendu? Notre texte ne nous dit pas combien d'heures ils ont fait, mais promptement, ils ont dit, allons à Bethléem, allons voir ce sauveur qui nous est donné. Et promptement, ils sont partis. Vous allez dire, peut-être parce qu'ils n'ont pas assez d'éducation, que c'est facile pour eux de croire et de ne pas poser de questions. Mais je vous assure, si vous et moi, en marchant, un ange apparaît et vous avez la conviction que c'est un ange, je ne pense pas que vous allez hésiter. N'est-ce pas? Lisez la parole de Dieu. On se trouve devant beaucoup de situations où, de fois, des anges apparaissent à des gens. Si vous lisez la parole de Dieu, les réactions ne sont pas les mêmes. Mais je crois que la plupart du temps, la meilleure réaction, c'est quand on se plie Parce qu'on sait que ça, si c'est un envoyé de Dieu, il faut que je me conforme à ce qu'il dit de faire. Mais les anges, les bergers sont allés promptement. Ils sont ce groupe de personnes qui n'a pas hésité. Ils n'ont même pas posé de questions. Courons, allons voir à Bethléem. Ils sont partis. Et je voudrais que vous vous rappelez de cela. Parce que si on les considère comme des gens de notre société aujourd'hui, on va dire que ce sont des gens qui sont sans instruction. N'est-ce pas? Des gens qui travaillent au jour le jour pour avoir leur pain quotidien, qui n'ont pas beaucoup d'histoire, qui ne cherchent pas beaucoup à les gens. Voilà. Qui ne s'intéressent pas à telle ou telle chose. Il y en a aussi dans notre société. Notre société est pleine de ces gens-là. Vous voyez, presque toutes les catégories qui seront touchées peuvent se retrouver dans notre société aujourd'hui. Après les bergers que nous trouvons dans Luc 2, et nous voyons aussi dans Matthieu ce qui nous est rapporté à propos de l'édit de César Auguste. Quand on regarde, on peut ne pas voir, disons, de façon directe leur implication. Mais leur implication était là. Il a fait sortir un édit, et selon cet édit, il fallait un recensement. Et à cause de ce recensement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que chacun retourne dans son village. Vous voyez? Et c'est ça qui va faire que Joseph va amener sa femme jusqu'à Bethléem. Ça veut dire qu'il est impliqué aussi. Même si ce n'est pas direct, mais à cause de son pouvoir, voilà, il a ordonné un recensement qui a fait que Joseph est obligé d'aller avec sa fiancée et il se retrouve quelque part pour qu'elle puisse accoucher. Nous avons toujours dans Luc, Siméon. Je crois que c'est au niveau de Luc 2, le verset 25. On nous parle de cet homme-là qui était là dans le temple, verset 25, Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et justement, 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il a été averti le jour qu'on venait pour présenter l'enfant Jésus au temple. Lui, il s'est trouvé là. Voilà des gens, je peux dire, qu'on ne voit pas. Parce que eux, ils sont cachés. Ils sont dans la prière. Il y a Siméon, il y a également Anne. On ne peut pas dire que Dieu ne, disons, les met de côté pour accomplir son dessein. Nous, nous sommes là aujourd'hui. Souvent, il est difficile à l'église, surtout quand on est en ville, de comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas visibles, parce que vous n'allez pas les voir, mais qui prient jour et nuit, cachés quelque part, et à travers leur prière, Dieu écoute et Dieu agit. Tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que ce qui peut faire bouger la main de Dieu, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière qui fait bouger la main de Dieu. Il y a beaucoup de gens cachés. J'aime dire souvent que la prière, c'est la chose la plus simple, puisqu'on n'a pas besoin de payer. C'est pas cela? On paye? Non. Mais c'est la chose la plus difficile aussi. Parce que ça demande que vous donnez tout votre temps, que vous abandonnez tout pour vous consacrer à cela. Qui ne peut pas prier? Si on dit chanter, les dames ont chanté avec le groupe tout de suite. Vous pouvez avoir une voix rocailleuse qui ne donne pas. Vous n'êtes pas un chanteur. Vous pouvez bien avoir envie de chanter, mais votre voix n'est pas celle du chant. Ou bien, certains même disent que les pasteurs ne sont pas de bons chanteurs. Ce n'est pas vrai. Il y a de très bons chanteurs parmi eux. Donc, il peut y avoir d'autres choses, d'autres ministères dans lesquels vous avez bien envie, mais vous ne pouvez pas. Mais la prière, est-ce que ça, on demande à quelqu'un qu'il y ait une disposition particulière? Qui ne peut pas prier dans cette maison-là? Ami, tu ne peux pas prier? Si. Tu ne peux pas prier? Tu n'oses pas dire ça. Tout le monde peut prier, n'est-ce pas? Je peux dire que c'est la chose la plus simple. en principe. Mais c'est la chose la plus difficile aussi. Tout le monde peut le faire, mais il faut se consacrer à cela. Et ces deux personnes, quand vous lisez, vous voyez, eux, ils étaient au temple. Et cette dame, Anne, une veuve, il est dit qu'il était là, elle ne faisait que jeûner et prier. Ce sont des gens qui attendaient, « Oh Seigneur, envoie le Sauveur, aide-nous, permets-nous. » Rappelez-vous de leur contexte. Ils étaient sous la domination romaine et ils étaient conscients que le Dieu, leur Dieu était le grand Dieu. Est-ce que ce grand Dieu pouvait permettre qu'il demeure toujours dans la douleur tout le temps? Non. S'il est vraiment le grand Dieu, s'il a promis la délivrance, cette délivrance va venir. Et la parole de Dieu nous dit que la promesse de Dieu, il l'accomplit toujours et en son temps, pas autant que nous nous voulons. Donc voilà d'autres acteurs assez importants à l'époque, même s'ils étaient cachés, mais ils sont assez importants quand même. Bien, la suite, nous avons les mages. Et là, dans le texte que nous avons lu dans Matthieu 2, ces mages d'Orient, quand nous réfléchissons un peu, nous voyons que c'était des, on peut dire, aujourd'hui sont des savants, puisque ce sont des gens qui pouvaient facilement comprendre les signes en regardant les astres. Et ces gens, ils ont fait un long trajet. Je peux vous dire, dans un premier temps, il fallait d'abord qu'ils comprennent le sens de cette étoile qui est en haut là. Ensuite, après cela, cela leur demandait réellement une certaine consécration. Sinon, comment vous comprenez qu'ils aient quitté très loin? Parce que souvent, quand on dit les mages venus d'Orient, c'était loin. On les présente sur des chameaux pour montrer que ce n'était pas un chemin court. Aujourd'hui, on monte en avion, on est arrivé. Et ils avaient tout un long trajet à faire. Ils ont fait ce long trajet. Et ils s'informaient au fur et à mesure pour aller jusque là-bas. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils sont arrivés, ils se sont informés pour savoir où allait naître cet homme-là, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem. Et cela a attiré l'attention des gens. Les gens, les voyant venir de loin, se disent, mais ce sont des grands savants. S'ils disent quelque chose de ces gens, c'est que ça peut être vrai. Et immédiatement, Hérode, à l'époque, voyait directement que son trône était menacé. Si on dit le roi des Juifs, ça va être un problème. Si ce roi vient, il y aura des problèmes. Et il ne s'est pas limité à ça seulement. Lui aussi, il a appelé promptement les gens autour de lui. Et qui étaient ceux qui pouvaient lire et lui faire comprendre cela? C'était ceux qui étaient versés dans les Écritures de l'époque. Donc les sacrificateurs et les scribes. Ils sont allés fouiller, voir les prophéties et tout, ils ont dit effectivement, selon les prophéties, ce serait à Bethléem, en Judée. C'est là-bas. Lui, il est un acteur aussi important, intéressé. Mais son intérêt, vous voyez, il y avait quelque chose derrière. Il était intéressé aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allez, allez, lorsque vous aurez trouvé le bébé, venez et informez-moi pour que moi aussi j'aille. Je vais aller l'adorer aussi. Mais son agenda caché était là. Les mages sont le deuxième groupe de personnes que je voudrais, pour lesquelles je voudrais que nous ayons une attention particulière. Eux, ils n'étaient pas n'importe qui. C'étaient des savants, des connaisseurs, qui ont pris tout leur temps pour chercher avec précision jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Ils ont suivi l'étoile jusqu'où l'étoile s'est arrêtée et ils étaient à destination. Et si nous lisons la parole de Dieu, il est dit qu'ils sont allés, ils ont offert des présents assez précieux. Ensuite, ils n'ont pas fait comme le roi a voulu, ils sont partis. La dernière catégorie de personnes dont je voulais que nous nous rappelons, c'est encore le roi Hérode lui-même et puis tous les autres qui se sont joints à lui. Lorsque les mages ne sont plus revenus, il s'est informé et il a dit, « Ah, ils m'ont joué un sale tour, il faut qu'on les gagne. » Donc pour avoir ce roi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait éliminer les bébés d'un certain âge pour être sûr que ce roi bébé-là était dans le lot. Alors, il a donné l'ordre. Donc, voilà quelqu'un qui a été utilisé comme un instrument. Pas lui seul, parce qu'il a ordonné. Et ce n'est pas lui-même qui est parti. Ce sont ces soldats qui sont allés et qui ont exterminé. Nous avons presque toutes les couches sociales de l'époque qui étaient impliquées dans cet événement de la naissance de ce sauveur du monde-là. Et en fonction de leur position, les uns étaient de façon positive qu'ils ont intervenu, d'autres nous voyons de façon négative. Mais lorsque nous regardons la suite, qu'est-ce qui a fait que le sauveur a pu être mis à l'abri? C'est encore son père Joseph. À chaque moment, il a été toujours averti divinement et il s'est retiré. Il est allé en Égypte, il est revenu, ensuite il est reparti pour mettre toujours le bébé à l'abri. Voilà des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu intervenir dans toute la chaîne de ces instruments que Dieu a utilisés pour la venue du Sauveur. Regardez aujourd'hui, il y a presque toutes ces couches-là aussi, sociales, qui sont là. Hier, je vous ai dit, on ne parle que de Noël, de Noël, de Noël. Et ça, c'est vrai. Dehors comme partout, c'est Noël. Ce matin, Rhoda était en train de balayer, elle disait que... Jam, que Radio Jam, que ne font que chanter seulement. Amouré, c'est Noël seulement. Bon, ça c'est chrétien. Mais dehors même, c'est la même chose. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est Noël. Mais voici tout ce monde-là. Qu'est-ce qu'il faut? La lumière est là. Tout le monde est conscient de cela. J'ai participé à une rencontre au niveau du Haut Conseil pour la réconciliation. Et ce qu'on nous a dit était que, vous les religieux là, il faut que vous êtes la dernière, vous êtes le dernier palier. On vient vers vous, donnez-nous la solution. Parce que tout ce monde-là peut dire quelque chose, mais quand on arrive à vous, bon, on sait que vous, vous avez la solution parce que tout le monde vous écoute. Pourquoi tout le monde écoute ces gens-là? Je pose la question. La raison, c'est quoi? Parce qu'on dit toujours, eux, ils sont toujours connectés à Dieu, c'est ça? Et puis quand on nous a dit de dire quelque chose, j'ai dit oui. Il ne faut pas venir toujours tard. C'est quand ça chauffe que vous tournez vers ces gens-là. C'est pas ça? Quand tout va bien, on ne va pas vers eux. On n'a pas besoin de leur soutien quand tout va bien. On fait ce qu'on veut. Mais quand ça chauffe, on dit qu'il faut aller voir les religieux. Eux, ils peuvent réunir tout le monde. Parce que ce soit les syndicalistes et autres, chacun est d'une confession religieuse. Et puis, bon, on écoute les responsables. J'ai dit non, il ne faut pas laisser que ça chauffe avant de revenir vers là. Et puis deuxièmement, je dis même nous-mêmes, voilà, les religieux que nous sommes là, il faut que nous soyons des gens intègres. Il ne faut pas nous laisser aller emballer par tout ce que ces politiciens font. Si vous prenez ce qu'ils vous donnent, ensuite vous ne pouvez pas leur dire la vérité. Et on vous confond à eux et c'est fini. Vous perdez tout le respect qu'on a pour vous. Je dis, il faut rester intègre. Il ne faut pas aller dans leur... Vaut mieux prendre de l'élan et se mettre à l'écart. Et ça, c'est une vérité. Les gens savent que lorsqu'on parle de Dieu, là, il y a la paix. Avec ceux qui sont attachés à Dieu, il y a la paix. On court vers eux, toujours, pour leur demander de prier. Oui. Mais pourquoi doit-on attendre que ça chauffe avant de courir vers eux et de demander à ces gens-là de prier? Eux aussi, ils peuvent dire qu'ils sont fatigués. Ou bien, c'est pas vrai? Mais, en tant que chrétien, si vous dites à quelqu'un que bon, c'est bien pour vous, on est fatigué, on va dire que vous manquez d'amour. Bon, et puis vous dites, Dieu peut permettre qu'à travers cette situation, qu'ils comprennent, c'est ça? Prions pour eux, Dieu a son temps. Dieu peut les transformer comme ce qui est arrivé à Zacharie. Oui, vous pouvez ne pas comprendre dans un premier temps, mais la parole de Dieu lui-même, la parole de Dieu même stipule qu'il aime le pécheur. Ce sont les péchés qu'il hait. Dieu peut revenir, il peut vous faire revenir, il peut revenir à vous. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, nous demandons à Dieu de nous pardonner quand nous péchons et il y a notre rapport est encore renouvelé. Mes frères et mes sœurs, nous sommes ceux qui comprennent tout ce que Dieu a fait pour qu'aujourd'hui, nous puissions dire « nous sommes sauvés ». Nous sommes ceux-là. Nous sommes ceux qui peuvent dire « nous avons la lumière ». Et nous sommes ceux qui doivent vivre dans la lumière. Parce que si nous sommes dans la lumière, notre vie va éclairer ceux qui sont autour de nous. Mais cela a un coût. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui vivent dans la vigilance quotidienne. Si je dis vigilance quotidienne, ça a un sens. Parce qu'autour de nous, les ténèbres cherchent toujours à nous envahir. Et si vous fermez les yeux, les ténèbres vont vous envahir. Nous devons vivre dans la vigilance quotidienne et aussi nous armer de courage. Parce que tout est fait pour nous décourager. Tout est fait, je peux vous le dire. Tout est fait, tout, je vous garantis, et vous-même vous le vivez quotidiennement, tout est fait pour vous décourager dans votre marche avec le Seigneur. Quand vous arrivez en certaines situations, vous vous demandez, mais qu'est-ce que ces gens-là ont finalement? Et des fois, vous posez la question, l'Église-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous ne sommes pas en train de dormir? Est-ce que nous ne sommes pas déjà envahis? Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Ce n'est pas le nombre que Dieu regarde, non. Sa parole le précise bien. À cause d'un seul juste, il peut faire quoi? Il peut sauver toute la cité. À cause d'un seul juste. Donc, quand ça ne va pas, prenons le courage pour que on se dise, même s'il y a un seul, que ce soit moi, que je sois ce juste-là. Parce que regardez, des situations arrivent où Dieu ne nous fait pas voir clairement qui a prié pour qu'on soit à l'abri. Mais la réalité est que peut-être pendant ce temps-là, nous dormions ou bien que nous sommes occupés à autre chose. Mais la prière d'un seul, Dieu permet que une multitude soit encore à l'abri. Et ça, c'est parce que c'est un Dieu magnanime. Si ce n'est pas un Dieu magnanime, si moi j'arrive dans un lieu où vous êtes assis en deux rangées comme ça, je dis aux gens, bon, écoutez, on va faire ça. Et puis une seule rangée se décide à suivre. Et puis l'autre rangée est assise. Si c'est humainement, nous on dit quoi? Après avoir fini, on dit, remettez la récompense à ceux qui ont fait. C'est pas comme ça qu'on fait? Humainement, c'est pas ce qu'on fait? Oui, humainement, c'est ce qu'on fait. Mais Dieu ne procède pas de cette façon-là. Des fois, les gars n'ont rien fait. Et même ils sont moqués de vous. Mais quand arrive la récompense, Dieu donne à tout le monde. C'est pas ça? Je vous pose la question, c'est pas ça? Ok. Tout le monde prie, on prie, les autres jouent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais quand Dieu fait venir la pluie, est-ce qu'il dit, bon, on va arroser la pluie des gens qui sont au sérieux et puis laisser les autres? Non, la pluie elle descend sur tout le monde. Ça, c'est un Dieu magnanime. Et c'est ça, souvent, qui fait que nous, enfants de Dieu, nous ne comprenons pas très bien. Je voudrais que nous nous mettons dans cette dynamique-là. À cause d'un seul juste, voilà ce que Dieu peut faire. Est-ce que moi, je ne peux pas être ce seul juste-là? Si Charles décide d'être ce juste-là, il ne dit rien à Justin, qui décide d'être ce juste-là, qui ne dit rien à son voisin, qui ne dit rien à docteur, qui ne dit rien à Cécile. Si chacun essaie de cette façon, il y aura combien de justes? Ils ne seront pas nombreux? Ils seront nombreux. Et c'est ce que Dieu demande à chacun de nous pendant ces temps où nous voyons les signes qui clignotent, qui montrent que il faut se préparer parce que le Seigneur, son retour n'est pas loin. Son retour n'est pas loin. Regardez autour de nous. Il n'y a plus de repères. Sur quoi on peut s'accrocher pour dire ça là, ça tient? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a plus. Il n'y en a presque plus. Et ceux auxquels on ne s'attend pas, ça arrive. Et puis on dit, mais Dieu permet ça. C'est pour rendre les gens sages. Oui. Quand ce qui semble n'est pas possible se fait, c'est pour attirer l'attention des gens, pour dire qu'il faut faire attention. Le temps est proche. À nous de réfléchir à cela. Quand il n'y a plus de repères, regardons, il nous est, la parole de Dieu vraiment nous donne tous les signaux. Nous voulons que ça soit clair, clair. Mais au moins, ce sera clair, clair, ce serait fini pour nous. Pendant que nous fêtons la Noël, rappelons-nous que nous devons nous armer réellement de vigilance et surtout de beaucoup de détermination. Parce que plus on ira vers la fin, plus les choses seront difficiles. C'est là justement que ça devient, parce que quand vous faites la course, surtout quand c'est une course de fond, quand les gens vont vers la fin, c'est là que vous vous rendez compte que c'est plus facile, c'est plus difficile. Ils sont épuisés, n'est-ce pas? Mais si vous ne vous surpassez pas, vous n'allez pas gagner. Et nous, nous sommes à ce moment-là. Il faut, mes frères et mes sœurs, que nous prenons notre courage à deux mains. Nous devons tenir ferme nous-mêmes et en même temps avertir les autres. Regardez autour de vous tous ces nombreux défis. Les étudiants, quand ils s'asseyent, ils pensent à leur avenir. Ils regardent à tout ce mélange. Qui a la solution? Moi, je vous pose la question. Est-ce que humainement, il y a quelqu'un qui a la solution? Je ne suis pas sûr. Pas du tout. Chacun campe sur sa position et chacun est prêt à ce que la maison tombe. Tant pis. Mais celui qui peut seul pourvoir, c'est Dieu. Qui peut mettre la sagesse dans le cœur. Qui peut amener encore un brin de... un brin d'amour dans le cœur pour que les gens comprennent. Ce ne sont plus les hommes qui peuvent résoudre ce problème-là. Et vous êtes des étudiants chrétiens. Qu'est-ce que vous devez faire? Les gens ne s'inquiètent pas. Nous sommes des parents qui payons la scolarité de nos enfants. Normalement, un bon fondateur doit dire, mais si les enfants-là doivent chômer tout un mois, est-ce qu'on peut prendre la scolarité au complet? Ça pose problème quand même. Ou bien, je pose la question, ça doit poser problème, non? Les gens payent pour un certain nombre de mois de travail. Et même les enseignants, quelqu'un me disait un jour, il dit que les vacataires-là ont des problèmes. Qui ne sait pas comment ils vont payer leur loyer. Parce que, voilà, les cours n'ont pas lieu. Or, eux, ils sont payés à l'heure. Ils vont faire comment? Est-ce que le fondateur va dire qu'on vous donne? Il vous donne? Bon. Mais lui, il prend et l'empoche. Et puis les enfants sont contents. Les parents sont fâchés. Les enseignants sont fâchés. Vous croyez que c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque de logique. S'il y avait la logique, écoutez-moi bien, s'il y avait la logique, comme le dit humaine là, qu'est-ce qu'on devait faire? Les professeurs vacataires là devaient dire au fondateur, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette situation-là, il faut qu'on la résolve parce que sans ça, nous n'avons pas ce qu'on gagne. N'est-ce pas? Et les enfants doivent dire, mais nous nous perdons toujours. Les parents se joignent à eux pour dire, on n'est pas d'accord. Ça fait comme les trois entités. Professeurs, parents et élèves, s'ils se joignent, le fondateur peut parler. S'ils s'asseyent, c'est moi qui donne l'argent pour qu'on aille payer. Si on s'assoit, on s'entend, ces gars-là ne vont pas parler. Mais voilà, vous voyez, ces trois entités sont les plus importantes. Ce n'est pas le fondateur. Mais aujourd'hui, où est cette logique-là? Ça existe? Est-ce que les gens pensent à ça? Moi, je me plains toujours de mes enfants. Et puis, ils me regardent. Je ne savais pas comment ils me regardent, d'ailleurs. Souvent, ils doivent dire que le vieux-là, il parle trop. Et puis, il perd son temps. Vous voyez? Mais c'est une logique qui n'est pas correcte. Je vous pose la question. Est-ce qu'ils méritent cet argent-là? C'est pour eux? Ils le prennent d'une façon indue. Est-ce qu'ils ne doivent pas se soucier? Je vous pose la question. Quelque chose dont vous n'avez pas droit. Et vous prenez, vous savez que ce n'est pas normal. Humainement, vous dites que ce n'est pas un problème. Les musulmans là disent ça quoi? Haram. C'est un problème, non? Ok. Donc, vous voyez, il y a des choses logiques qui sont là, mais personne. Et quelle est la solution? Je crois que c'est à Dieu seul qu'on peut regarder. Je voudrais qu'on se tienne debout et puis nous allons prier. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Nous savons comment le Sauveur est venu. Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il fait? Et nous devons permettre aux autres de savoir cela. Et je crois que si les gens se mettaient au sérieux et que chacun allait, qu'on disait à ces gens, quoi qu'ils disent, dans leur cœur, il y aura un pincement. Ils vont s'arrêter. Si nous sommes le sel, nous sommes la lumière, nous devons permettre que les autres luisent et que tout autour de nous, il y ait la lumière. On va prier pour cela. Pour confier toute l'Église dans son ensemble au Seigneur. Que Dieu permette que ces hommes et ces femmes qui sont à Christ, qu'ils puissent jouer effectivement leur rôle, demeurer dans la vigilance et dans la détermination parce que les temps sont mauvais. Prions ensemble pour cela. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te louons ce matin, Seigneur. Nous t'exaltons pour ta bonté et ta fidélité. Nous voulons réellement que que Père, nous jouons notre partition. Les temps sont difficiles. Devant toutes ces difficultés, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ton appui. Nous comptons, Seigneur, que tu nous donnes cette vigilance. Que paix en nous ce qui ne convient pas. Comme ce que Éternel Dieu, Zacharie, a vécu. Que tu nous permettes la transformation réelle. Oui, Seigneur, parce que tout ce que tu dis est vrai. Et tout ce que tu fais est vrai. Que nous puissions demeurer dans cette vérité. Que paix, lumière et celle que nous sommes, nous puissions assaisonner ce monde, apporter la lumière. Que Seigneur, devant toutes ces difficultés, que nous puissions, avec le courage que toi-même tu donnes, le courage que tu donnes par ton esprit, avoir les mots justes pour convaincre le monde autour de nous. Père, je te confie ton peuple maintenant. Oui Seigneur, tous ceux qui sont appelés par ton nom, que Père, dans cette célébration, ils demeurent attachés à toi. Sois béni, sois loué et sois exalté. Merci pour ta grâce et merci de ce que tu vas bénir tes enfants et que tu vas leur permettre, Seigneur, qu'à travers cette journée, ils puissent encore partager, permettre à ceux qui ne te connaissent pas de venir à toi. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Soyez bénis et asseyez-vous.